savoir à crier je t'aime contre le vent. J'ai entendu les rivières qui éclataient en sanglots et se débarrassaient de la pluie et asséchaient la semoule. Un de ta peau, un de...